L'actualité à Nancy et ailleurs. À Manon Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de l'association Libertel, une association qui se trouve à Laxou. On va découvrir un peu cette association avec vous. Depuis quand elle existe déjà ? Libertel, elle a été créée en 2010. En fait, elle a été créée pour lutter contre la violence conjugale à l'égard des femmes et des jeunes filles, qu'il s'agisse de brutalité physique, morale ou même d'harcèlement. Et depuis peu, avec les événements récents, c'est vrai qu'on s'intéresse de plus en plus à la lutte pour l'égalité des sexes. Vous allez mettre en place un numéro vert, on va y revenir. Mais avant cela, comment vous est venue l'idée de créer cette association en 2010 ? C'est vrai que cette idée, elle est venue d'un constat simple. J'étais à l'époque à la fac de lettres, où j'avais des personnes autour de moi, des jeunes filles, qui rentraient dans des relations, ont commencé à avoir des relations un petit peu sérieuses en arrivant à la fac. Et malheureusement, j'ai eu des camarades de promotion qui se retrouvaient face à des violences psychologiques, ça pouvait arriver, voire physiques. Et donc, de partir de ce constat-là, vous êtes rassemblée avec d'autres étudiantes ? Comment ça s'est passé ? Au départ, donc, j'étais seule et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai eu d'autres étudiantes qui ont rejoint l'association. 10 ans plus tard maintenant, quelles actions menez-vous chaque année ? Nous menons des actions de sensibilisation. Cette année, on va mener une campagne que nous espérons pouvoir diffuser largement dans le département ou dans la région. Ça s'appelle « Ça vous dérange, les femmes avec des poils ». Voilà, on sensibilise sur des causes qui peuvent paraître banales, hein, les poils, voilà, tout le monde a des poils, mais c'est vrai que chez les femmes, ça dérange et elles peuvent être sujettes à des moqueries, aussi bien de la part des femmes que de la part des hommes. Et nous faisons également des conférences, des rencontres dans divers lieux, des expositions photographiques, des choses comme ça pour sensibiliser les gens à la cause des femmes, mais aussi à l'égalité des sexes. Voilà. L'actualité a mis bien sûr en avant toutes ces questions-là. Donc y a un engagement encore plus fort aujourd'hui de votre association sur ces questions ? Oui, parce que c'est quelque chose qui a été pris au sérieux actuellement par la société. Je pense que dans le passé, ça a été pris au sérieux, mais avec l'aide des réseaux sociaux et avec l'aide des médias qui sont de plus en plus présents, forcément, ça a mis en exergue tout ce pan de la cause féminine, voilà. Cette année, vous avez décidé de mettre en place, d'aller encore plus loin, et de mettre en place un numéro vert pour l'écoute, le soutien et le conseil des femmes victimes de violences. Comment vous est venue cette idée et comment ça va être mis en place ? Alors, c'est vrai que nous, pour l'instant, on fonctionnait seulement avec une adresse email et une permanence sur l'Axo. Et c'est vrai que des femmes qui ont subi des violences conjugales ou qui en subissent ont tendance à ne pas se déplacer par peur de se retrouver face à quelqu'un qui les jugerait. Donc le but, c'était de créer un numéro vert pour que ces femmes puissent nous appeler et ce soit gratuit et totalement anonyme et qu'elles n'aient pas l'impression d'avoir quelqu'un en face qui les juge et qu'elles soient juste au téléphone et qu'elles entendent juste la voix de la personne. Quel est ce numéro aujourd'hui ? Alors c'est le 0805 031 974. Un numéro qu'on retrouvera bien sûr sur le site de la radio également, le 0805 031 974. Donc un numéro vert qu'on peut appeler du lundi au dimanche de 8h à 19h. Qui on va avoir au bout du fil ? On va avoir des médiatrices sociales qui sont bénévoles pour l'association et des bénévoles de l'association qui vont suivre une formation par rapport à la psychologie et au cas de ces femmes qui subissent des violences. Oui, parce que c'est pas anodin de pouvoir répondre parfois des appels à l'aide. Ça va être une écoute gratuite donc pour rediriger éventuellement ces personnes vers d'autres structures. Oui, c'est possible de les rediriger vers des foyers, vers la gendarmerie, la police. Voilà, nous allons entrer en contact avec toutes ces institutions-là. Est-ce que vous recherchez du monde aujourd'hui, des bénévoles justement pour pouvoir vous aider notamment dans cette action, mais peut-être dans d'autres actions à venir ? Oui, nous continuons de rechercher des bénévoles. Donc il est possible de nous envoyer les candidatures de bénévolat sur notre adresse email, qui est l'adresse email liberte.l@gmail.com. Et bien sûr, je pense qu'on peut retrouver l'association Libertel sur les réseaux sociaux également. Oui, sur Facebook, vous pouvez retrouver notre groupe, donc qui s'appelle tout simplement Libertel. Peut-être un dernier mot, Manon Leclerc. Donc, vous êtes président de l'association Libertel, à destination de nos auditeurs et auditrices qui pourraient découvrir votre association. Oui, bah écoutez, ce que je peux dire, voilà, c'est que si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est victime de violence, il faut pas hésiter, en fait. Il faut pas hésiter parce que il vaut mieux intervenir maintenant que de malheureusement se retrouver à la morgue à devoir identifier un corps. Je sais que c'est dur ce que je dis, mais il faut parler. Voilà, il faut vraiment parler. Voilà, le numéro vert que vous avez mis en place, le 0805-031-974. Merci beaucoup, merci. Manon Leclerc. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 0383 35 22 62.